Dimanche 26 juillet, La Baule. Comme chaque semaine, depuis le début de l'été, Jean-Philippe Glaise, sa femme et leurs deux fils poussent les portes de l'ermitage vers 13h pour leur repas dominical. Les enfants, tirés à quatre épingles, jubilent avec une allégresse retenue, tandis que le maître d'hôtel s'empresse de les conduire vers leur table. La meilleure, avec vue sur l'océan. Leur mère, une de la Trébaudière, artiste peintre à 16 heures, est peu causante et plutôt bêcheuse. L'inverse de leur père, une grande gueule, bon vivant, redoutable homme d'affaires, plein aux as et peu avare de ses moyens. À peine installé et congratulé jusqu'à l'excès, un apéritif leur est servi par une jeune et nouvelle serveuse au joli minois. Jupe courte, décolleté plongeant, manière de pensionnaire au couvent des oiseaux. Jean-Philippe prend un plateau de fruits de mer Eden Beach. Son épouse Agathe un bar sauvage en croûte de sel et les enfants une solmenière avec purée de pommes de terre et fricassée d'asperges. Le déjeuner se passe. On parle de tout et de rien. Les enfants accaparent l'essentiel de l'attention de leurs parents. Entre le fromage et le dessert, la serveuse vient apporter un mot à M. Glaise, qui doit s'excuser auprès des siens car il est demandé au téléphone pour une affaire apparemment urgente. Il se lève, en s'essuyant les lèvres, et promet qu'il n'en aura pas pour très longtemps. Pavillon rouge à La Baule, d'Emmanuel Grand. Capitaine Féval ? Oui. Bonjour, lieutenant Terrier, gendarmerie nationale. Nous vous attendions. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. C'est une noyade. La mort est récente, un ou deux jours, tout au plus. Qui est-ce ? Jean-Philippe Glaise, un promoteur immobilier très en vue de la région. On lui a attaché une corde autour de l'abdomen. Il a certainement été jeté à l'eau avec du lest, une pierre. Tenez, regardez. Le bout est déchiré. Je parie qu'il a été largué sur une zone rocheuse au large du Pouliguen ou des Évins. Avec le courant, la corde a dû frotter contre les rochers des profondeurs et se rompre. Le corps est monté à la surface et il a dérivé jusque sur la plage. Voilà mon hypothèse. Vous me permettez ? C'est la mienne. J'ajoute que ficeler un corps avec un bout en polyester, au lieu d'une chaîne ou d'un câble en acier, c'est un travail d'amateur. Et je vous suis aussi là-dessus, lieutenant. Qui l'a découvert ? Une joggeuse. Elle court sur la plage tous les matins. De loin, elle a cru que c'était un phoque. Elle a hurlé. Deux moniteurs du club de voile ont accouru. Ça s'est passé à quelle heure ? 7h environ. Vous avez alerté la famille ? Non, pas encore. Je m'en charge. Et les deux moniteurs ? Ils sont là. Pardon. Terrier mène Féval vers les baraquements du club de voile des Évins. Des structures en bois adossées aux parapets de béton qui longent la grande plage de La Baule sur des kilomètres. Sur la droite, des catamarans et des optimistes sont alignés sur deux rangées. L'intérieur est composé d'une grande salle où sont entreposés les gréements, les combinaisons, les gilets de sauvetage, le Zodiac. On y trouve aussi des douches, des vestiaires, des toilettes, un atelier exhalant une forte odeur de résine et un petit bureau. Sur les murs sont affichés les emplois du temps. Et voilà. Bonjour, capitaine Féval. C'est vous qui avez trouvé le corps ? Oui. C'est une dame qui courait sur la plage qui nous a alertés. Ouais, je sais, vers 7h. Vous êtes bien matinaux. Les premiers cours ne commencent qu'à 9h, mais j'avais une voile à recoudre. Et moi, du travail au bureau. Ouais. Vous êtes combien en tout pour tenir ce club ? 4. Il y a nous deux et puis Caroline et Serge. Ils sont pas là ? Ils vont arriver. Vous connaissiez la victime ? Oui. C'est Monsieur Glaise, un passionné de voile. Il venait souvent au club. Un type très sympa. Toujours prêt à déco. À plaisanter. Il naviguait ? Oui. 2 à 3 fois par semaine. Il y avait toujours un kat agréé pour lui. Il pouvait débarquer à l'improviste pour tirer quelques bords. Ça le détendait. C'était un homme d'affaires important. Il évacuait son stress comme ça, je crois. Quand est-il venu pour la dernière fois ? Samedi, il y avait Force 4. En été, c'est exceptionnel. Il est sorti pendant presque 2 heures. Et vous n'avez jamais remarqué quelque chose d'anormal chez lui ? Un comportement bizarre ? Non. Non. Quand il venait ici, c'était pour parler voile, météo, force du vent, clapot, ce genre de choses. Le club, c'est votre job d'été, n'est-ce pas ? Vous faites quoi pendant l'année ? Je suis étudiant. Moi aussi. Ça paye autant que chez Super U, c'est quand même plus stylé. Et les deux autres ? Caroline et Serge ? Ils habitent à la Turballe. Ils sont frères et sœurs. Ils font la saison, comme nous. Tenez, les voilà. Vous êtes Caroline et Serge ? Oui. Qu'est-ce qui se passe ? C'est Monsieur Glaise, il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé ? Jean-Philippe Glaise a été retrouvé mort ce matin sur la plage avec une corde attachée autour de la taille. Vous voyez ? Avez-vous vu ou rencontré Monsieur Glaise depuis samedi dernier ? Non. Non, moi non plus. Pas du tout. Bien, je vous remercie. Monsieur Glaise a probablement été jeté par-dessus bord tout près d'ici. Alors si vous vous souvenez de quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas à m'appeler. Voici ma carte. Madame, capitaine Féval, police judiciaire. Vous êtes bien Madame Agathe Glaise ? C'est moi. Entrez. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Madame Glaise, j'ai peur d'avoir une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Votre mari est décédé. Il a été retrouvé ce matin sur la grande plage, noyé. Vous êtes au courant ? Une amie qui habite sur le boulevard de l'Océan. Elle a aperçu un attroupement sous sa fenêtre. Quand elle a appris ce qui s'était passé, elle m'a appelé tout de suite. Je suis vraiment désolé. Bien entendu, la piste du suicide ne peut être totalement écartée pour l'instant, mais nous avons de sérieuses raisons de penser qu'il a été assassiné. Assassiné ? Mais pourquoi ? Il a été retrouvé avec une corde nouée autour de l'abdomen. On y avait attaché une pierre ou une ancre, quelque chose de lourd pour faire disparaître le corps. Et ce n'est pas le mode opératoire d'un suicide. Je suis l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête. Je vous promets que nous retrouverons celui qui a fait ça. J'aurais quelques questions à vous poser, mais si vous le souhaitez, je peux repasser un autre jour. Non. Allez-y. Bien, je serai bref. Avez-vous noté quelque chose d'inhabituel dans le comportement récent de votre mari ? Un souci dont il vous aurait parlé ? Non. Rien de particulier. Jean-Philippe maintenait une frontière très nette entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Il était soumis à beaucoup de stress car il travaillait sur de grands chantiers. Il y avait beaucoup d'argent en jeu. Mais il parvenait à laisser ses soucis derrière lui quand il était en famille. En particulier avec les enfants. Il faisait tout pour être un père normal. Vous avez combien d'enfants ? 2 garçons. Jacques et Thibault. 14 et 16 ans. Ils sont là ? Oui. Ils sont en pension à Nantes, mais ils passent tous leurs étés à la Baule avec nous. Mon mari était connu à la Baule. L'affaire va faire du bruit. Je crois que je vais les envoyer chez leur grand-mère à Vannes pour le reste des vacances. Vous avez sans doute raison. Pouvez-vous me parler un peu de lui ? Jean-Philippe était promoteur immobilier. Il travaillait sur des programmes de luxe sur la côte atlantique, à la Baule, mais aussi dans le golfe du Morbihan, à Belle-Île, à Noirmoutier, à La Rochelle et à l'île de Ré. Il était autodidacte, mais il avait un flair et un talent de commerçant hors pair. Il a commencé dans l'entreprise de bâtiment de son père, qu'il a reprise à sa mort. Puis il s'est lancé dans la promotion. Son affaire s'est développée et elle est devenue une des plus importantes de la région. Il a dû susciter des jalousies. Très nombreuses. Il avait beaucoup de succès. Il gagnait beaucoup d'argent. Ce qui lui valait plus d'ennemis que d'amis, au final. Mais je n'étais pas très au fait de tout cela. J'imagine qu'il devait avoir une vie sociale intense. Oui. Mais je ne fréquentais pas beaucoup ses relations professionnelles. Je venais quand il le fallait, pour les réceptions officielles, les élus, les grands clients. Sinon, j'évitais. Ce milieu vous déplaît ? De ce que j'en ai vu, c'est un panier de crabes. Entrepreneurs, propriétaires fonciers, politiques, des phallocrates, qui ne parlent que d'argent et qui ne pensent qu'à planter un couteau dans le dos de leur voisin. Je me souviens en avoir croisé qui aurait pu sortir d'un film de gangster. Je vous assure. Je vous crois sur parole. Et vous-même, que faites-vous dans la vie ? Je suis une bourgeoise entretenue. Si c'est ce que vous voulez insinuer. Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis artiste peintre. Mon atelier se trouve au fond du jardin. Une dernière question. Pouvez-vous me dire quand vous avez vu votre mari pour la dernière fois ? Dimanche. Nous sommes allés déjeuner à l'Eden Beach avec les enfants. C'est le restaurant de l'hôtel L'Ermitage. Puis nous sommes rentrés et Jean-Philippe est reparti au bureau. Et le soir ? Il n'est pas repassé à la maison. Mais c'était tout à fait dans ses habitudes. Il avait un petit studio attenant à son bureau. Il pouvait rester y travailler pendant 2 ou 3 jours d'affilée. Je vois. Madame. Attendez. Tenez, son agenda. Il l'avait oublié à la maison. Vous y trouverez peut-être quelque chose. Merci, merci infiniment. Le premier des amis de Glaise à se manifester, c'est Gilbert Becquerel, le maire de la Baule. Il appelle Féval sur son portable et lui demande avec insistance de passer à la mairie dès que possible. Féval a quand même le temps de s'avaler un déjeuner au bar de la gare, des moules frites avec un demi. Le ciel est d'un bleu profond, totalement dépourvu de nuages. Les vacanciers vont encore en avoir pour leur argent. Féval, lui, voit cela comme un mauvais présage. ...13h30. L'officier de police judiciaire se tient devant l'entrée de la mairie de la Baule. Une sorte de gigantesque brique de Lego de béton et de verre, lévitant au-dessus de parterres floraux aux motifs géométriques. On dirait un tableau hyper réaliste américain représentant le vaisseau Enterprise posé sur la côte atlantique. Un escalier ressemblant à une rampe d'accès et une grande casquette de verre bleuté semble aspirer le visiteur vers le hall de l'hôtel de ville. Féval entre. On le mène au bureau de monsieur le maire. Bonjour, capitaine. Prenez place, je vous prie. Un café? Oui, je veux bien, merci. Deux expressos. Je vous remercie d'être passé si vite. C'est au sujet de Glaise. Vous avez déjà des éléments? C'est encore un peu tôt. Nous avons découvert le corps ce matin. J'ai interrogé les moniteurs du club de voile et je suis passé annoncer la nouvelle à la veuve. Ouais. Bien sûr. Capitaine, je voulais juste vous informer du contexte municipal. Il me semble utile que vous soyez au courant. Je vous écoute. Nous sommes le 28 juillet. Samedi, c'est le grand chassé croisé de l'été. La ville va se remplir comme une fourmilière. Des estivants venus de toute la France et un bon quart de l'étranger. Cette période est de la plus haute importance dans la vie économique de la station. Nous réalisons 70% du chiffre d'affaires de l'année pendant les 2 mois d'été, tout commerce confondu. Vous connaissez la volatilité de la clientèle. La clientèle est très volatile. Elle se décide à la dernière minute. Ils annulent à la dernière minute. Le bon vieux temps des vacances à la papa où on revenait au même endroit pendant 4 semaines, 15 ans d'affilée, c'est fini. Maintenant, il faut des prestations, des arguments, des preuves, des labels. Tenez, c'est comme leur foutu pavillon bleu. C'est une tannée, ce machin. Nous, on a refusé de marcher dedans. Merci. Non mais franchement, on a la plus belle plage d'Europe, on va quand même pas se faire chier avec leur collecte sélective, leur prélèvement d'eau de mer et tout un toin. Pourriez-vous en venir au fait? Ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas de publicité autour de cette noyade sur la plage. Ce meurtre? Oui, bien raison de plus. Pas de publicité. Il ne faut pas que les journaleux mettent leur nez là-dedans. Vous avez les moyens de les en empêcher? Je ne fais pas pression sur la presse, ça n'est pas dans mes habitudes. Ce que je dis, c'est que le meilleur moyen d'éviter cela, c'est de résoudre l'affaire en vitesse. Comme ça, c'est empaqueté, et les fouilles merdes devront aller manger ailleurs. Merci du conseil, monsieur le maire, mais maintenant, si vous le permettez, j'ai du travail. Asseyez-vous! Ne le prenez pas mal. Je ne vous ai pas fait venir pour vous donner des leçons. J'ai des informations pour vous. Des informations qui, j'en suis sûr, vous permettront de gagner du temps. Dans ce cas, je vous écoute. Jean-Philippe Glaise était sur un coup fumant. Ce type était un génie. Il avait dans ses cartons une marina dans les marais de Guérande, le port Grimaud de l'Atlantique. On y accédait directement par l'étier du Pouliguen, au bout de la plage. C'était un projet fantastique. Des maisons de luxe avec jardin, terrasse, des pontons privés reliés par des canaux, des terrains de tennis, des piscines, une supérette. Non, du tonnerre, vraiment. Et le machin 100% écolo-responsable, bien entendu. Tenez, je vais vous montrer. Il m'avait laissé des croquis. En effet, oui, impressionnant. Et un projet de grand standing, tout à fait adapté à notre clientèle la plus exigeante. Pour les finances municipales, c'était une manne. Glaise travaillait sur ce projet depuis 10 ans. Patiemment, mètre après mètre, il avait déminé le terrain. Et je vous jure que, question pétard, c'est pire que le Cambodge. Mais il butait toujours sur ces putains d'écolos. Il a déclenché une véritable révolution chez les chevelus parce qu'il fallait remblayer des vasières et supprimer des champs de salicornes. Je vous jure, c'est de ce niveau. Et ces cons-là ont déclaré dans la presse... Tiens, attendez, je vais vous faire voir. Tension à la boule au sujet de la marina de Guérande. C'est le titre. Regardez ce que dit un responsable de l'association de défense des marais de Guérande. Si M. Glaise persiste dans son obstination à développer son projet immobilier sur les marais salants de Guérande, il déclenchera une guerre sanglante dans laquelle il y aura des morts. Lisez. En effet, c'est pas très malin de leur part. Non mais il faut les voir, capitaine. Ils ont un QI de 25, tous autant qu'ils sont. Je vous parie qu'ils sont passés à l'acte. Il y a quand même un truc que je comprends pas. Jean-Philippe Glaise n'agissait pas intuitu personné. Il avait bien une société, des associés. Le projet n'est pas nécessairement enterré avec sa disparition. Son associé s'appelle Michel Bosco. C'est une couille molle. Il n'a jamais eu et il n'aura jamais la ténacité d'un Glaise. Ah, il en faut dans le pantalon pour mener ce genre de projet. Il faut aller au front, se battre à la baïonnette. Si c'était aussi facile, ça fait longtemps que ça serait fait. Malheureusement pour nous tous, ce projet de Marina est mort et enterré. Mais je ne voudrais pas abuser de votre temps. Ma seule requête, c'est... faites vite. Et surtout, n'hésitez pas. Si je peux vous aider d'une quelconque manière, ce sera avec plaisir. GB Associés ont leur bureau dans une grande maison bourgeoise sur l'avenue Pasteur, à quelques pas de la grande plage. Une excroissance de verre et de métal a été ajoutée au bâtiment d'origine, qui, à ce détail près, n'a pas été altéré. À l'intérieur, en revanche, l'architecte a fait place nette. Féval, qui a demandé un entretien pour 10 heures dès le lendemain, est accueilli par une secrétaire aux ongles rouges dans un hall dallé de marbre blanc. Le bureau de Bosco est presque aussi grand que celui du maire, mais meublé de pièces incomparablement plus onéreuses. Féval remarque un tableau moderne au mur. On dirait un miro, certainement un faux. Un doute traverse son esprit. Monsieur Féval. Enchanté. Monsieur Bosco, bonjour, merci de me recevoir. C'est tout naturel. Asseyez-vous, je vous en prie. C'est une tragédie. Je connaissais Jean-Philippe depuis 25 ans. Nous sommes associés depuis plus de 18 ans. Il était non seulement un partenaire, mais mon ami. Je connais très bien sa famille. Pauvre Agathe. Nous retrouverons son meurtrier, mais pour ça, j'ai besoin de votre aide. Je fais votre service. Que voulez-vous savoir? Je vous propose de commencer par le début. Votre activité commune, par exemple. Nous sommes promoteurs immobiliers. Nous achetons des terrains, nous faisons construire et nous revendons clé en main. Nous avons des chantiers sur toute la côte atlantique, de Carnac jusqu'à Biarritz. Quelques-uns dans les terres, mais c'est marginal. Vous avez l'air de vous en sortir plutôt bien, non? On se plaint pas. C'est un métier où on peut gagner beaucoup d'argent, mais on prend de gros risques. Nous faisons des avances de fonds conséquentes et on n'a pas intérêt à se tromper dans nos calculs. Une petite erreur et c'est le bouillon. Les bénéfices de l'année peuvent s'envoler d'un coup. Manifestement, ça n'a pas été le cas pour vous. Il faut très bien gérer ses affaires, il y a une prime à l'expérience. C'est ce qui nous sauve. Vous avez beaucoup de concurrents? De grands groupes de BTP français, des estates jeunes étrangers, anglais principalement. Assez peu de promoteurs indépendants français. Pouvez-vous me parler du port Grimaud de l'Atlantique? Ah. Et c'est comme ça que Jean-Phi avait surnommé le projet, pour marquer les esprits. Un projet très ambitieux. Il avait travaillé dessus pendant 8 ans. Un jour, on revenait tous les deux de Piriac, un rendez-vous de chantier pour un hôtel 4 étoiles, et sur la route, on s'arrête dans un petit restaurant donnant sur les marais de Guérande, un ostréiculteur qui avait monté un bar à huîtres à côté de ses parcs. Un truc simple, mais très sympathique. Notre table donnait sur les marais et sur l'étier de Pimbron. On s'est enfilé 2 douzaines chacun avec 2 bonnes bouteilles de muscadet. Tout était parfait. Il faisait bon. Le soleil nous réchauffait et on sentait une petite brise venir de l'océan. Et là, le déclic. Je revois les yeux de mon Jean-Phi. Il a posé son verre sur la table et il m'a dit « Michel, on est vraiment au paradis, tu trouves pas? Ça serait fantastique d'habiter ici, sur l'eau. T'as la mer au bout de ton jardin. Tu viens chez toi en bateau. Tu as des hérons qui se posent sur ta pelouse. Autour de toi, il y a des étiers, des chemins de terre. Tu as ton ponton personnel pour te rendre à la Baule ou au Croisic. Un petit bar à huîtres au bout du chemin, histoire de... Il souriait comme s'il y était déjà. Attention, hein, Jean-Fils n'était pas un poète. Ce qu'il voyait surtout planté au beau milieu des marais, c'était une grosse opportunité financière. Mais construire dans les marais... Mais c'est pour ça que le projet a pris 8 ans. Techniquement, c'était un vrai casse-tête, et puis il y avait une myriade de propriétaires à convaincre. Et vous en étiez où ? On en voyait le bout. On a délimité le terrain et racheté presque toutes les parcelles. Il ne restait plus qu'un gars à convaincre, et c'était fait. Qui est-ce ? Fabrice Doviau. Un connard qui nous a fait le coup du terrain légué par son grand-père, que s'il le vendait, le vieux se retournerait dans sa tombe, et patati et patata, c'est un classique. Vous imaginez pas combien on en a vu des comme ça en 20 ans. Jean-Fi et moi, on est du coin, alors faut pas nous la faire. Quand des types comme Doviau prennent leurs grands airs, c'est qu'ils pensent que vous pouvez payer plus, point à la ligne. Et vous ne pouvez pas lancer le programme sans lui ? Si, mais ça serait vraiment dommage. Il a une parcelle en plein milieu. Mais je vous dis, ça n'est qu'une affaire de prix. Jean-Fi était sur le point de lui faire une proposition qu'il ne pouvait pas refuser. Il doublait la mise. L'autre tirait 10 fois le prix de son bout de terrain. C'était l'affaire de sa vie. Et pourquoi dites-vous « était » ? Le maire aussi pense que ce projet va prendre l'eau avec la mort de M. Glaise. Nous travaillons chacun sur nos dossiers et celui-là, c'était vraiment Jean-Philippe. Et puis... Vous vous dites que Glaise s'est peut-être fait assassiner à cause de ce projet. J'en sais rien. C'est vous qui le direz, n'est-ce pas ? Sans doute. Vous disiez que M. Glaise avait un gros carnet d'adresses. Nous avons tous les deux un gros carnet d'adresses. Mais j'avoue que celui de Jean-Fi était plus épais. Il avait un relationnel exceptionnel. C'était un type joyeux, sportif, plein d'énergie. Il s'intéressait à plein de choses. Il faisait du golf, de la voile, du tennis, du cheval. Il jouait au polo à Guérande. Vous saviez qu'on jouait au polo à Guérande ? Ah, c'était un osseur de première. Il gagnait de l'argent, il n'avait pas peur de le dépenser, que ça se voit. Moi, je suis plus discret. Comment vous dire ? Ah, il roulait en Jaguar décapotable. Un cabriolet bleu ciel de 1967 avec roues à rayons et intérieur en cuir rouge. Non, je vous jure, passer inaperçu était le cadet de ses soucis. Et avec les femmes ? Bah, il était plutôt pas mal, la belle cinquantaine, riche. On peut pas dire qu'il déplaisait. Il vous disait rien ? Non. Je vais vous poser une question sans doute assez difficile, mais qui sera essentielle pour la conduite de mon enquête. Bien sûr, de quoi s'agit-il ? Pourriez-vous me faire la liste des personnes qui ont eu un contentieux avec M. Glaise ? Un contentieux sérieux, qui n'en ferait pas nécessairement des suspects de meurtre, mais qui leur aurait donné, comment dirais-je, un intérêt à voir M. Glaise disparaître. Je le ferai, mais autant vous dire que je ne signerai pas en bas de la page. Bien entendu. J'ai une autre question un peu délicate. Quelle était la répartition du capital de GB Associés ? 51% pour Jean-Philippe et 49% pour moi. Vous étiez donc chez lui ? C'est un peu simpliste. Nous avons choisi cette répartition car si personne n'a la majorité dans une boîte, elle peut couler faute de prise de décision. Jean-Philippe avait apporté 80% du capital. En échange, je lui laissais le pouvoir. Mmh. Et que va-t-il se passer maintenant concernant ses parts ? Elles vont revenir à ses ayants droit. Vous ne disposez pas d'une option d'achat ? Si. À un prix que vous seriez amené à fixer vous-même et à faire valider par les services fiscaux. En effet. Il s'agirait des services fiscaux de la mairie de La Baule, car c'est bien votre siège social, n'est-ce pas ? Tout à fait. Mais je vais vous faire une confidence, puisque vous insinuez que j'aurais moi-même pu trouver un intérêt à la mort de mon ami. Je possède 49% de GB Associés, mais je sais très bien que 80% de la valeur de cette boîte reposait sur le talent de Jean-Philippe. Je suis peut-être moins charismatique qu'il ne l'était, mais je ne suis pas stupide. Notre société ne vaut que par les contrats qu'elle va continuer d'engranger et je sais qu'avec sa disparition, elle vient de perdre 80% de sa valeur. Vous pourrez faire tous les calculs que vous voudrez, Monsieur Féval. La mort de mon associé est un très mauvais coup financier pour moi. Je vous entends, mais je dois envisager toutes les hypothèses. Me fournirez-vous la liste que je vous ai demandée ? Je vous la donnerai. Je vous remercie. Je ne peux pas abuser de votre temps. Là, Monsieur Bosco... Avez-vous un bateau à moteur ? Oui. Où se trouve-t-il ? Il est amarré dans l'étier du Pouliguen. Vous vous en êtes servi récemment ? Il y a une semaine à peu près. J'ai fait un tour en mer avec Jean-Philippe. Très bien. Je vous remercie. Venez. Féval veut interroger Davio à froid. L'affaire Glaise n'a pas défrayé la chronique, et il est probable que le saunier n'est pas encore au courant du drame, à l'exception bien sûr du cas, qu'il ne peut négliger à ce stade, où il serait lui-même impliqué dans sa disparition. Il se retrouve au milieu des marais balayés par le vent. C'est plat, à perte de vue. Au fond, on devine les arbres, les maisons. Il gare sa voiture, regarde autour de lui. On dirait le pâturage des oiseaux. Il en voit partout, en l'air ou les pieds dans l'eau. Il a l'impression de n'être ni sur terre ni sur mer, mais sur un territoire neutre que la terre et la mer se partageraient à tour de rôle. Le ciel s'est couvert, mais quelques rayons percent l'épaisseur nuageuse pour venir se réfléchir dans les vasières, ces petits étangs peu profonds noyés à marée haute où par endroits l'eau immobile et argentée devient noire quand elle est ridée par le vent. Féval prend le temps de respirer. Il doit avancer à pied sur le chemin de terre. Il n'avait pas prévu cela et bientôt ses chaussures sont recouvertes de boue. À travers champs, il aperçoit maintenant les rectangles bien ordonnés, les monticules blancs et les petites cabanes en bois. Il y est. Ce sont les marais salants. Il avance encore 100 mètres, en s'aidant comme il peut de son plan. Il arrive devant un champ de sel, où par chance, il aperçoit une petite voiture garée dans l'herbe. Il s'approche et doit attendre un bon quart d'heure avant de voir un homme, un grand râteau à la main, en train de marcher sur les diguettes. L'homme l'aperçoit, Féval lui fait signe. Vous êtes monsieur Davio ? C'est moi. Je suis venu vous parler du port Grimaud de l'Atlantique. Vous me cassez les pieds à la fin. J'ai dit que j'étais pas vendeur. Qu'est-ce qu'il vous faut pour comprendre le français ? On ne travaille pas pour monsieur Glaise. Je sais que vous avez été en relation avec le cabinet GBA et qu'ils ont tenté de vous faire des offres. Je sais aussi que vous les avez toutes refusées. Qui êtes-vous, monsieur ? Guillaume Féval, officier de police judiciaire. Est-ce que vous confirmez ce que je viens de dire ? Oui, c'est exact. Depuis combien de temps, monsieur Glaise, vous fait-il des propositions ? Plusieurs années, pourquoi ? Vous savez que sans ce terrain, son projet ne peut se concrétiser et que vous êtes en position de force vis-à-vis de lui. Quel est le prix au mètre carré que M. Glaise vous a proposé ? Pourquoi vous me demandez ça ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? J'ai une excellente nouvelle pour vous. M. Glaise est mort. Son associé, M. Bosco, passe l'éponge sur tout le projet. Il va revendre des terrains pour une bouchée de pain. Vous avez gagné. Il vous l'a dit ? Mais on n'assassine pas les gens pour ça. Certaines personnes en sont capables. Vous étiez soutenu par des associations, n'est-ce pas ? Vous pensez pas qu'ils auraient pu ? Je sais pas. Avec qui étiez-vous en contact ? Éric Bautreau et Marc Salle de l'association des Marais de Guérande. Bien. J'irai les voir de votre part. Dites-moi, c'est quand même une bonne nouvelle, non ? Port Grimaud de l'Atlantique, franchement. Vous vouliez me voir? Oui, enchanté, Guillaume Féval. Marc Salle, je vous sers un café? C'est du bio. Pas de la merde du Remblai. Hein. Pourquoi pas? Vous avez vu ça? On va encore être bon pour leur coller un procès. On va remarquer, on est rodé. Hein. On ne fait que ça, des procès. Eux, ils s'en foutent du moment qu'ils vendent leurs papiers. Non. Vous avez vu? Jean-Philippe Glaise, un promoteur très en vue, blablabla. Retrouvé assassiné au petit matin sur la grande plage de la Baule, blablabla. À qui profite le crime? Rien. L'association de défense des marais de Guérande, présidée par le conseiller municipal, Marsal. Non, mais c'est à se la prendre et se la mordre. Ils se refusent plus rien, l'épiscopie. Deux coups de cuillère à poids, on va laisser peser. S'emmerde plus à vérifier quoi que ce soit. Ils nous accusent carrément de meurtre. C'est une cabale. Oui, vous avez une lecture un peu rapide de l'article. Je l'ai lu et vous n'êtes pas directement mis en cause. Je sais pas ce qu'il vous faut, il faut lire entre les lignes. Capitaine Féval. Monsieur Féval, lecture rapide. Et c'est exactement ce que vont faire des milliers de gens avec leurs feuilles de chou. Ils vont pas s'embarrasser des détails. Et si vous lisez en diagonale, qu'est-ce que vous retenez? Que Glaise s'est fait désinguer par l'association de défense des marais de Guérande. Oui, oui, si vous voulez, monsieur Salle. Pouvez-vous me parler de monsieur Glaise? En tant que suspect numéro un. Je ne vous cache pas que vous êtes sur la liste. Le problème, c'est que vous êtes une des rares personnes qui tire profit de sa disparition, c'est un fait. Mais je vous rassure, nous avons l'habitude de faire notre travail et pas de nous arrêter à des suppositions. Bon, écoutez, je ne vais pas tourner autour du pot. Je ne verserai pas une larme sur la dépouille de ce type. Vous n'avez aucune conscience. Merci. Ni politique, ni écologique, ni sociale, rien. La seule chose qui lui importait, c'était le fric. Pour lui, un projet qui rapportait du fric était meilleur qu'un projet qui n'en rapportait pas, et incomparablement moins bon qu'un projet qui en rapportait encore plus. Point barre. Nous, vous voyez, on discute, on parle, on réfléchit. Lui, c'était simple, il n'avait qu'un seul étalon en tête. Non, quant à son projet, honnêtement, il valait pas un clou. Écologiquement, c'était une cata. Il détournait les courants de la baie, asséchait la partie nord des marais, qui représente au passage 4 fois la surface de sa marina. Il construisait sur une aire de transit des oiseaux migrateurs. Je ne vous parle pas des risques de pollution, des problèmes de traitement des eaux usées, qu'il n'avait absolument pas résolus. Et puis, cerise sur le gâteau, 90% de la surface était en zone inondable. Alors, sur ce coup-là, je vous dis, Glaise, c'était l'apprenti sorcier. Il construisait une bombe, il la vendait sur plan, et il se tirait à toutes jambes avec les deux doigts dans les oreilles. C'était n'importe quoi. Eh bien, figurez-vous qu'on ne s'est pas démonté. On a été le voir un nombre incalculable de fois. On lui a expliqué pourquoi on était opposé à son port Grimaud de l'Atlantique. Une fois, deux fois, trois fois. Mais il voulait rien entendre. Et vous avez soutenu Davio qui ne voulait pas rendre. Que voulez-vous? Des opportunités se présentent, on les saisit. Davio empêchait Glaise de conclure, on aidait Davio. C'est tout simple. Votre association n'est pas une organisation militaire. Pensez-vous que des membres auraient pu agir sans mot d'ordre? Capitaine Féval, nous sommes des militants, pas des assassins. Et malgré ce qu'en pense une certaine presse, voire certains membres de la police, ça n'est pas la même chose. Je sais que vous avez vu Davio et que vous avez insinué des choses sur nous. Ne me dites pas le contraire, c'est lui qui me l'a dit. Et je vous réponds qu'il est formellement exclu que qui que ce soit de notre association ait pu assassiner Glaise. Autant que de vous à moi. Hein, si c'était pour torpiller la marina, ce serait tout bonnement stupide. Au-delà de Glaise, le projet sera repris par son associé ou par un de ses concurrents, que sais-je. Sa mort ne résout rien sur le fond. C'est qu'un coup d'arrêt momentané. Je crois que vous connaissez bien le dossier. Mais pensez-vous réellement que Michel Bosco va le remettre sur pied? Si ce n'est vous, alors qui l'a tué? Mais j'en sais foutre rien. Tout nous accuse, y compris cette déclaration maladroite qu'Éric a faite dans la presse et que vous n'avez pas relevée. Je voudrais pas faire le parano, mais c'est comme si c'était nous que le commanditaire de ce crime avait voulu atteindre. En priorité et par ricochet. Et à qui pensez-vous ? À la personne qui a le plus intérêt à nous voir mordre la poussière. Becquerel, le maire. Il peut pas nous encadrer. Nous sommes les seuls à gauche à pouvoir le mettre en difficulté. La conscience écologique des citoyens se développe, c'est dans l'air du temps. Et nous faisons souvent mouche avec les électeurs. Aux dernières élections, nous avons mobilisé une coalition qui a fait 45% des voix. Je peux vous dire qu'il a senti le vent du boulet. Becquerel, commanditaire du meurtre de Glaise. Original. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Ah, j'ai une dernière question à vous poser. C'est sans doute un point de détail, mais... Ouais, je vous écoute. Avez-vous un bateau à moteur ? Avant de rentrer dans sa voiture, Féval appelle le commissariat et demande à deux brigadiers de le rejoindre au 29 rue Louis-Lajarige à 12h30. Il a faim. Il s'est levé tôt et n'a rien avalé depuis le matin. Il fonce vers le centre-ville pour s'enfiler une petite salade campagnarde avec un demi à la terrasse d'un café sans chichi qu'il a repéré non loin de la plage. Il trempe ses lèvres dans la mousse et rejette un œil à la liste de Bosco. Elle est longue comme le bras. S'il voulait tous les interroger, il pourrait y passer le mois d'août. Seulement voilà, il n'en a aucune envie. Dans quelques jours, il a prévu de partir dans les Cévennes avec sa femme et ses deux fils. Tout est prévu depuis 6 mois et il n'a pas l'intention de se faire sucrer ses vacances. Mais au-delà de ça, l'interrogatoire de tous les ennemis de Glaise lui semble parfaitement inutile. Car il sait que quelque chose cloche dans cette liste. Quelque chose sur lequel il ne parvenait pas à mettre le doigt jusqu'à ce qu'une petite clé ouvre une petite porte quelque part entre ses deux oreilles. Maintenant, il sait qu'il s'est égaré, ou plutôt qu'il n'a pas pris le temps de s'égarer. Qu'il a descendu la pente, qu'il a suivi le courant, alors qu'un détail aurait dû mettre sa vigilance en alerte. Alors qu'il vide son verre de mousse, peut-il dire qu'il a une certitude ? Non. Ce n'est qu'une présomption. Un scénario plausible qu'il pourrait mettre plusieurs semaines à prouver. Mais il a une autre idée. Précipiter les choses. C'est un coup de poker, Féval le sait. S'il vise juste, le meurtrier peut se démasquer de lui-même. S'il vise mal, il peut tout faire rater. Il imagine ce qu'un bon avocat pourrait tirer de son faux pas. Féval soupire. Il a déjà pris sa décision. Voici les deux flics en tenue, il leur fait signe et leur demande de l'accompagner sur la plage. L'uniforme, ça change tout. Tout de suite, ça fait sérieux. On les regarde, ils arrivent au club de voile. Il est 12h30. Les cours du matin sont terminés. Les moniteurs remontent leur catamaran. Féval entre dans la paillote, suivi des deux flics. On les regarde de biais. Tout le monde a l'air d'être là. L'étudiant blond, le brun, Caroline et Serge. Il demande aux deux premiers de les laisser. Ils sortent et embarquent les quelques élèves qui traînent. Féval se tourne vers le frère et la sœur. Combien de jours avez-vous travaillé cette année en dehors de la saison ? Je sais pas, un mois, peut-être deux. Donc vous ne roulez pas sur l'or ? C'est pas un crime ? Non, bien sûr, ce n'est pas un crime. Au sujet de Jean-Philippe Glaise, je sais qu'il aimait la voile et qu'il venait souvent ici, mais je sais aussi qu'il appréciait les jolies femmes. Voici donc ma question, elle est très simple. Jean-Philippe Glaise vous a-t-il déjà fait des avances ? Répondez oui ou non ? Oui. Était-il votre amant ? Je vais reposer la question différemment. Avez-vous déjà couché avec lui ? Oui. Et alors, c'est pas interdit ? Non, c'est le meurtre qui est interdit. Vous, Serge, et vous, Caroline Goulet, avez tué Jean-Philippe Glaise. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Dimanche soir, lorsque le club est fermé, vous, Caroline, donnez rendez-vous à Glaise, au club de voile. Il vient, vous êtes amants. Vous vous déshabillez, vous faites l'amour. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Serge est là aussi. Au moment propice, vous le neutralisez. Vous l'assommez ou vous le chloroformez, je l'ignore, vous nous direz tout cela. Puis vous le mettez dans le zodiaque du club, où tout est déjà prêt, l'ancre, la corde, et vous allez faire un petit tour en mer. Au large, vous l'attachez et vous le balancez par-dessus bord. Qu'en dites-vous ? Bien. Vous habitez à la Turballe, m'a-t-on dit. Nous allons faire un petit tour chez vous, messieurs. Prévenir que nous avons interpellé deux moniteurs de l'école de voile, Serge et Caroline Goulet. Ils ont avoué le meurtre de votre mari. Ils ont été payés. Nous avons retrouvé 50 000 euros en liquide chez eux. Ils n'ont pas encore donné le nom du commanditaire, est-ce par peur, par loyauté ou par honte d'avoir si lamentablement échoué, je l'ignore, mais ce n'est qu'une question d'heure. Savez-vous, Madame Glaise, que Michel Bosco m'a remis la liste des ennemis de votre mari ? Elle est impressionnante. Je vous l'ai dit, le succès attise les jalousies. Vous avez certainement raison. Toujours est-il que pour trouver quelqu'un qui ait envie de tuer votre mari, il n'y a que l'embarras du choix. Partenaire jaloux, homme politique trompé, concurrent impatient. Je suis sûr que vous avez une petite idée du tableau. Pourtant, aucun d'entre eux n'a fait assassiner votre mari. Il se trouve que j'ai bien étudié cette liste et qu'il ne m'est apparu, comme vous le disiez, que ce sont tous de sacrés filous. Et pour un tel crime, ils avaient tous les moyens de se payer les services d'un professionnel. Or, et c'est la première chose que j'ai constatée en voyant la dépouille de votre mari, ce meurtre était d'un amateurisme saisissant. Je vais vous épargner les détails, mais sachez que pour faire disparaître un corps en pleine mer, il ne faut surtout pas s'y prendre comme ils l'ont fait. Tout le monde m'a mené sur les traces d'un promoteur impétueux, mais c'était dans le sens du marivolage qu'il fallait regarder. N'est-ce pas ? Pouvez-vous, Madame de la Trébaudière, me dire ce qui s'est passé dimanche dernier ? Savez-vous ce que c'est, capitaine ? Que d'avoir toujours dû subir, toujours dû se taire, se conformer à la volonté d'un homme, dissimuler ses douleurs, ravaler ses colères, parce que personne ne comprendrait que vous vous comportiez différemment. Parce que vos souffrances importent peu, votre humiliation n'est qu'une broutille quand il s'agit de préserver ce que les gens de ma condition ont de plus cher et qui leur tient lieu de vertu. L'apparence. Dimanche. S'il vous plaît. Il ne s'est rien passé dimanche de plus que les autres dimanches. Racontez-moi quand même. Mon mari me trompait abondamment. Il était insatiable. Obsédé. Il pensait que parce que je détournais la tête, je n'y voyais rien. J'en étais blessée, mais j'aurais pu m'en accommoder. Nous aurions vécu côte à côte sous le même toit comme deux étrangers. C'eût été une relation de façade de plus dans notre famille. Les Trébaudières ne sont pas à ça près. J'aurais pu. je m'étais fait ma vie. La peinture? Ce que je ne supporte pas, monsieur Féval, c'est qu'on m'humilie en public et pire, devant mes enfants. Que s'est-il passé? Tous les dimanches depuis 6 mois, nous allions déjeuner à l'Eden Beach. Mon mari avait son petit coup bien monté avec le maître d'hôtel. Chaque fois, nous étions servis par une nouvelle jeune femme qui ne connaissait rien à l'hôtellerie, mais ce n'était pas pour cela qu'elle était là. Elle était habillée vulgairement, de cette façon qui plaît aux hommes. Je ne vous fais pas de dessin. Elle nous servait tout le repas et mon mari en était tout excité, à tel point que sur la fin, notre conversation n'avait ni queue ni tête, attendu qu'il ne pensait qu'au cul de cette petite pute. Vers la fin du repas, il prétextait de se faire appeler pour affaire et disparaissait pendant 5 minutes. Mon mari avait 3 portables. Et il se faisait soi-disant appeler à l'hôtel. Comment pouvait-il croire que j'avalais de telles salades? Il m'a imposé ce régime 10 fois. Pendant 10 de déjeuners dominicaux que le tout La Baule devait nous envier. Je devais rester 5 minutes avec les enfants, 5 minutes montre en main. Avec lui, ça ne durait guère plus. À subir le regard de ce larbin derrière son comptoir qui venait proposer des dragées aux enfants pendant que leur père culbutait la boniche dans l'arrière-cuisine. Vous saviez que Caroline Goulet avait été la maîtresse de votre mari? Elle était tout à fait son type. C'était une évidence. Et il vous a suffi de la rencontrer un jour au club de voile et de lui proposer un marché? N'est-ce pas? Si vous permettez, je dois téléphoner. C'était Pavillon Rouge à La Baule, d'Emmanuel Grand, avec Laurent Manzoni, le narrateur, Philippe Potier, Féval, Olivier Chauvel, Terrier, Maud Rayère, Esther Glaise, Vincent Grasse, Becquerel, Charlie Nelson, Marc Salle, Pierre Val, Michel Bouscou, Jean-Louis Couloc, Daviou, Sarah Le Picard, Caroline Goulet, Yvan Cory, Serge Goulet, Thomas Sagols et Slimane Yevsa, les moniteurs de voile. Et les voix de Thomas Gourdi, Guillaume Bourboulon, Étienne Launay, Sandra Choquet, Thibaut Mulot, Olivier Piloni, Élodie Vincent, Sarah-Jeanne Drillot, Léo Reynaud, Simon Guéla, Samuel Charles, Laurent Gauthier, Guillaume Burstein, Sophie Bézard. Bruitage, Frédéric Antoine. Assistance technique et montage, Jean-Baptiste et Tchéparubord. Prise de son et mixage, Delphine Baudet. Assistante à la réalisation, Clémence Bûcher, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Étienne Vallès. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Retrouvez sur la boutique en ligne du Monde la saison 4 des Petits Polars avec Le Monde et SNCF.